بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. On avait commencé il y a quelque temps l'étude des fondements de certains groupes égarés anciens et contemporains. Et aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on continue. Wa'alam anna mitla hadhihi ad-dirasat, ces études sur les égarés ou sur les groupes égarés, ça fait partie de la voie des salaf. كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان تسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم، أي على أهل البدع والأهواء، وتشمئز منهم قلوبهم، ويحذرون الناس بدعتهم. هكذا إذا السلف أنهم ي parlaient sur les égarés bien sûr بعلم، وتشمئز منهم قلوبهم، ils détestaient Allah par rapport à leurs égarements. وَيُحَذِّرُونَ النَّاسِ بِدْعَتَهُمْ، ils mettaient en garde al-muslimoun. فَهَذَا سَمِنَ النَّصِيحَ، سَمِنَ الْبَيَان، ça fait partie du conseil. كَذَلِكَ، c'est pour montrer la vérité aux ignorants. كَمِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقْ شَيْئًا، ils ne connaissent pas ces groupes égarés, leurs fondements، leur ruse، مَكْرُهُمْ وَخِدَعُهُمْ. على صاحب العلم، celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il lui a facilité la compréhension، et كذلك de revenir au savant في هذا الباب، فالواجب عليه، c'est une obligation de montrer aux autres. الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et aujourd'hui on reprend cette étude avec un nouveau groupe parmi les sectes contemporaines. وهذه الفرقة هي جماعة التبليغ. Et كذلك ils se font appeler جماعة الأحباب. أما هذه الجماعة، ce groupe، c'est un groupe contemporain qui est apparu il y a quelques années، le siècle dernier. Et المؤسس، celui qui a fondé ce groupe، c'était محمد إلياس ابن محمد ابن إسماعيل الكندهلوي الديوبندي الجشتي، المولود سنة 1303. فمحمد إلياس، le fondateur de ce groupe égaré، il est né en 1303 في الهند، en Inde. Et الكندهلوي، c'est نسبة إلى قرية، أي c'était son village d'origine في الهند. أما قولهم الديوبند نسبة إلى ديوبند، c'est une مدرسة معروفة مشهورة في الهند qui propage المذهب الحنفي، c'est une مدرسة qui suit aveuglément هذا المذهب. فمحمد إلياس il avait étudié dans cette école. والجشتي، c'est نسبة إلى الطريقة الصوفية الجشتية، c'est une confrérie parmi les طرق de الصوفية الضلال. هذا الرجل faisait partie de cette confrérie. هذا ça nous montre ان هذه الفرقة اصلها، ce groupe، le fondateur، c'était un صوفي. Et كذلك c'était un متعصب للمذهب الحنفي. Qu'est-ce que tu vas attendre de ce genre de personne من الخير ومن العلم؟ انه c'était un ignorant. Et كذلك c'était un متعصب للمذهب الحنفي. Et كذلك c'était un صوفي qui exagérait sur les tombes la akhir comme ça y est insha Allah ta'ala. Wa qala Muhammad Ilyas hada fi kitab Mawlana Ilyas. Et par rapport aux références, on va citer pour chaque parole bi idnillah azza wa jal les références. Et à la fin de hada al bahth, à la fin de cette recherche, à la fin de ce cours, on essaiera de citer des références importantes pour celui qui veut approfondir le sujet, et كذلك pour celui qui veut avoir ses références de هؤلاء et leurs paroles dans quel livre إلى آخره. فقال أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة وقيل لي سوف تستعمل نكلفك بعمل. Et هذا الرجل quand il était في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, il a informé أنه il a vu dans un rêve que une mission elle allait lui être confiée. سوف نستعملك نكلفك بعمل, أي tu vas être chargé d'une affaire très très importante. قال الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه النفيس القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. Et ce kitab, c'est une référence, si ce n'est la référence fi هذا الباب, une des meilleures réfutations, si ce n'est la meilleure et la plus détaillée, c'est celle de Cheikh Hamoud رحمه الله عليه القول البليغ. فقال رحمه الله dans ce livre, ففي هذه الجملة تلويح بأنه قد أوحي إليه بالقيام بالتبليغ. صحيح مثل هذا الكلام أنه il a vu en rêve أنه il allait être chargé d'une mission إلى آخره, فكأنه il a reçu la révélation, et هذا c'est très très grave. قال ولا شك أن هذا من وحي الشيطان إليه. Il n'y a aucun doute أنه c'est un شيطان من الشياطين qui lui est apparu dans ce cauchemar et qui lui a fait croire أنه il allait recevoir une chose très très importante qu'il doit propager. قال فأما وحي الرحمن إلى الأنبياء فإنه قد انقطع عن الأرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est عقيدته chaque مسلم. La révélation elle a été interrompue avec la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. Mais les rêves, c'est pas une source pour pouvoir appliquer notre dîn, encore plus pour légiférer quelque chose. Enfin, celui qui légifère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou son messager sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Amma hadha al-khurafi, al-kadhab, al-ashir, il a fait ce rêve, thumma il a pensé, il a cru qu'il avait cette mission à propager, enfin il a fondé ce groupe égaré. وقال محمد أسلم وكان يقول الشيخ إلياس محمد أسلم سيأتي معنا son livre, c'est كذلك une référence أنه connaissait très très bien هؤلاء الضلال. قال وكان يقول الشيخ إلياس إني إذا كنت أذكر كنت أحس ثقلا. كذلك محمد إلياس il a informé أنه à cette période quand il faisait du zikr, il ressentait de la lourdeur dans sa langue. قال فلما قلت للشيخ الكنكوهي فترعد وقال شك هذه الشكوى محمد قاسم إلى حاج إمداد الله. ثم ils ont informé un autre شيخ أن محمد إلياس ressentait cette chose. فقال الشيخ إمداد الله لمريده محمد قاسم, هذا الشيخ il a informé son élève بقوله إن هذا فيضان النبوة على قلبك وهذا الثقل الذي كان يحسه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء. انظر على كلام خطير أن هذا المنحرف هذا الشيخ الصوفي il les a informés أن ce que محمد إلياس ressent c'est exactement ce que notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام il ressentait quand il recevait la révélation. Il a informé à Mohamed Elias il allait recevoir une chose importante qu'il devait propager il a akhri. قال الشيخ حمود رحمه الله après avoir rapporté ces paroles في القول البليغ وهذا الجواب من إمداد الله لتلميذه صريح في دعواه النبوة له. Tu trouveras pas plus clair dans la prétention de que un tel il a reçu la révélation من هذا الكلام. قال الشيخ حمود وهذه زلة خطيرة. C'est un égarement très très grave. بل مثل هذا c'est العلماء يعدونه من الكفر من الكفريات. Pourquoi? لأن la révélation elle a été interrompue après le prophète عليه الصلاة والسلام. Mais celui qui prétend recevoir la révélation c'est qui prétend être prophète, et هذا c'est très très grave. وقال كذلك محمد إلياس dans كتاب ملفوظات إلياس, ils ont rassemblé certaines de ses paroles. اكتشفت على هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي، الروع بالضمس القلب أي في قلبي، في المنام تفسير الآية. ففي هذا النقل إلى كلاريفي كومو إلى فوندي ست ست ست سكت. فقال دونك إلى في أن غيف تفسير قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أنك أخرجت للناس مثل الأنبياء. فهكذا قال أنه il devait sortir montrer aux gens comme les prophètes ils ont fait. وقال كذلك في كتاب مكاتب إلياس، نعم مكاتب إلياس، إذا لم يرد الله أن يقوم أحد بعمل فلا يمكن حتى الأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقومون للناس، وإذا أراد الله شيئا يقوم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطع الأنبياء. هذا كذلك سنقل خطير أنه إلى بخيطان أن سي الله سبحانه وتعالى il veut فالسختان d'entre eux parmi eux et lui et ses suiveurs alors ils peuvent faire certaines choses que même les prophètes ils n'ont pas réussi à faire. هذا طعن في الأنبياء، هذه سين كريتيك كلير. وكذلك avec les autres récits ça montre أن الرجل كأنه il pensait أنه il a reçu la révélation et il devait propager. Si tu as compris هذا tu comprendras إنشاء الله تعالى أن ce groupe il a été fondé sur الخرافة sur des récits mensongers et sur le faux depuis le premier jour. Et هذا الرجل il a fondé ce groupe pour soi-disant propager. فلهذا leur principal fondement كما سيأتي معنا c'est الخروج في سبيل الله كما يزعمون أي le fait de propager la bonne parole. أما رؤوس الجماعة أي leur guide فمحمد إلياس le fondateur et on vient de citer certaines de ses paroles très très graves. كذلك son fils après lui qui est devenu Al-Amir est le chef de cette secte, leur guide suprême Mohamed Youssef ibn Mohamed Ilyas, le fils de Mohamed Ilyas. وهكذا Mohamed Zakaria Al-Kandahlawi et c'est son neveu ibn Akhil Mu'assis. وهكذا Abu al-Hasan al-Nadwi et il est معروف مشهور من الضلال. Et كذلك un de leurs derniers guides qui est mort il y a quelques années, In'am Ihsan. Et d'autres, à notre époque, min ha'oula al-tullal. Qala l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, kama fi sharit al-fatawa al-imaratiyya, da'watu al-tabliq, soufiyyatun asriyya, la taqoum ala kitabillah, wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi sin khulasa tayyiba. اعلم أن ce groupe c'est une branche parmi les branches des groupes de الصوفية du groupe plutôt الصوفية دعوة التبليغ صوفية عصرية أي c'est un groupe صوفي لكن qui est apparu à notre époque avec un أسلوب différent avec des manières de faire différentes avec des innovations différentes لكن la base c'est la même. لماذا الشيخ الألباني رحمه الله جزم بذلك il a affirmé avec certitude بهذا لأنه il connaissait رحمة الله عليه le fondateur Mohamed Ilyas et comment ce groupe il a commencé. Enfin, ce groupe il a été fondé par Dhullal من الصوفية. C'est pour ça que n'est aucun doute أن هذه الجماعة c'est des صوفية. Et avec هذا البيان qu'on va lire بتوفيق الله عز وجل tu verras هذا clairement. فصدق رحمه الله أسست الجماعة على الخرافة ونشر البدع من أول يوم. أن ce groupe il a été fondé sur le خرافة sur un rêve alors que notre dîn on se base pas sur les rêves on se base sur le Coran ou le Sunnah depuis le premier jour. كذلك depuis l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à la venue de هذا الدجال الزائر محمد إلياس الكذاب. Est-ce que le haq il n'était plus présent? Est-ce que tous ceux qui ont qui ont connu l'islam avant cette époque, ils n'étaient pas à l'al-jadda, ils n'étaient pas sur le droit chemin. Alors, ça nous montre là, tout ce qui est nouveau dans notre din, c'est min al-bida. Notre din, on n'a pas besoin d'inventer, on n'a pas besoin de se reposer, de se baser sur des rêves. En tant que musulmans, wallahi alhamd, on a le Coran, kalam Allah azza wa jalla, on a sunna, sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a la voix des salaf, la voix des sahaba radiyallahu anhum. Amma haoula, vous verrez que en ayant délaissé cette voie, ils se sont égarés fi bab al-aqida, dans la croyance. Ils se sont égarés fi tawhid. Ils se sont égarés fi al-ibada, et ils se sont égarés kadhalik fi as-suluk wal-akhlaq. وقال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ عبد الرزاق رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرها. نعم. donc هؤلاء c'est un groupe في الحقيقة un groupe parmi الصوفية لكن c'est un groupe contemporain. Et comme a rahimahullah wa sayati ma'ana nahum, ils ont fait le bay'a. Ils ont prêté allégeance comme as-soufi il faisait. Aïe, sur ces confréries qu'on citera ensemble, inshallah. Wa qala in'am ihsan. Hada c'est min ru'usihim, bel c'était leur amir il y a quelques années. Fi risalat iqam al-na'am. Ala isalat sa'ad al-husayi. Na'am. Anahu, il a répondu à une risale. Il a répondu à Sheikh Saad al-Husayn qui avait réfuté Haoula. Et où il a répondu? قال إن البيعة في الطرق الصوفية رائدة منتشرة في شبه القارة الهندية. Ce groupe, il est apparu en Inde. البيعة, le fait de prêter allégeance comme ils font à Soufi, en se conformant à la voix de certaines confréries et en suivant le shir, قال والواقع أننا إن لم نبيع هؤلاء الذين يصرون علينا لذلك فإنها حتما سيبايعون غيرنا. هذا سنص واضح أنهم يفون البيع كم يفون الصوفي الصوفية. Quatre طرق كما قالنا البيع في طرق الصوفية رأي منتشرة إلى آخره. العلماء ils ont cité des autres نقولات, c'était على quatre طرق, quatre confréries: الجشتية, القادرية, السهروندية, النقشبندية. كما بين الشيخ حمود رحمه الله في القول البلية. وقال سيد الطالب الرحمن dans son livre جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية: أما أفراد جماعتهم من العجم فإنهم يبايعون على هذه الطرق الأربعة بدون تحفظ. هذا النقل qu'on recherchait, on l'avait cité juste après. أما الأعاجم, أي les non-arabes, لأن هذه الجماعة leur guide, ils ont du makr, ils se comportent pas avec leurs suiveurs parmi les arabophones ou les arabes comme avec الأعاجم, مثلا ceux qui viennent d'Inde, du Pakistan, d'Asie, etc. لماذا؟ لأن الجهل لأكثر فيهم. العرب, ils ont en général plus de ilm, ils ont plus de facilité à comprendre. لماذا؟ لأنهم, ils ont cette langue qui est مفتاح العلوم, qui est la clé pour comprendre le Coran ou le Sunna. أما العرب, ils leur font pas faire cette bay'a et prêter allégeance comme ils font صوفية. أما قال وأما أفراد جماعتهم من العجم فإنهم يبيعون على هذه الطرق الأربعة بدون تحفظ. وأما العرب فإنهم يتحفظ منهم ولا يبايع إلا من وثق به من السذج الذين يحسنون الظن بالتبليغيين. أما العرب font attention. Si ils ont confiance en lui et c'est un ancien et il est متعصب, il les suit aveuglément إلى آخره, il fera cette bay'a معهم. أما si c'est un autre, مثلا un nouveau, ils n'ont pas encore confiance en lui, ils ne lui montreront pas ces choses. As-sirriya, le fait de cacher certaines choses, ça ne fait pas partie de notre din. Notre din, wallahi alhamd, il est clair. Notre din, c'est une rahma, c'est une miséricorde pour les arabes, pour les non-arabes. Amma, quand une jama'a, un groupe de personnes, ils commencent à cacher certaines choses, هذا ça montre أنهم, كما قال بعض الأئمة, أنهم ils sont على أساس بدعة وضلال. وإلا فالحق, wallahi alhamd, il est clair. Amma, أصول هذه الجماعة, On va, inshallah, les détailler qalilan, lakin qabla dhalik, on peut le citer bil jumla, comme qala Khalil as-Sahar Nouri, ahad kibar juhalihim, une de leurs têtes, un de leurs guides, qala inna alhamdulillah wa mashayikhuna wa jami'u ta'ifatina muqallidun lil imam Abi Hanifa fil furu'. ومتبعون لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في العقيدة منتسبون إلى الطرق الأربعة الصوفية العليا إلى لخص لفوندمون دو لور جروب قال إن الحمد لله ومشايخنا إلى آخر مقلدون للإمام أبي حنيفة في الفروع هؤلاء دي جهال دي زنيغون فيعترف أنهم يسويف أفغليمون الإمام أبو حنيفة دون الفروع أي دون الفقه. Et في الحقيقة, même dans الفقه, bien sûr, يخالفون القرآن, يخالفون السنة, et dans beaucoup de choses, يخالفون même المذهب الحنفي. القوم, c'est des ignorants et ils suivent leur passion. C'est par rapport à المصالح. Un jour, ils peuvent faire une chose, le lendemain, ils la délaissent pour une autre chose. وعلى كل حال, même si on قدر qu'ils suivent المذهب الحنفي, فهذا لا يجوز. Vous avez remarqué que dans son... Dans sa parole, en aucun cas il a cité Al-Qur'an ou Sunna. Il a cité Vilfuru' dans le fiqh annahum yusuiv Abu Hanifa. Aveuglément, yuqallidoun. Thumma qal, wa muttabi'oun li Abi al-Hasan al-Ash'ari wa Abi Mansour al-Maturidi fi al-Aqidah. Fi al-Aqidah, yusuiv madhhab al-Ash'ari wa al-Maturidiyya. Et c'est des groupes égarés. Haoula yuharrifouna. صفات الله يحرفون صفات الله عز وجل كما نتدي en ce moment والله الحمد ensemble في تقريب التدمورية قال منتسب إلى الطرق الأربعة الصوفية العليا هذا نقل كذلك صريح أنهم يسويف ces quatre voies ces quatre confréries de الصوفية ولله الحمد dans cette série تقدم معنا بيان انحراف هذه الفرق أي الأشاعرة وهكذا الصوفية ولله الحمد والمنة فهنا on détaillera pas bien sûr leurs égarements dans باب العقيدة dans ces points لأنه on l'a déjà fait ولله الحمد وهذه الجماعة elle est fondée sur الصفات الست كما يقولون وبعضهم يقول الأصول الست six fondements قال الأستاذ سيف الرحمن كما نقل الشيخ حمود دون القول البليغ رحمه الله تعالى إن الشيخ إلياس عمد لحركته التبليغية ستة أصول ومن جهة أخرى حصل من شيخه شيخ طريق أشرف علي التهانوي شيئا من مدارسة وإشارة والتخطيط وكيفية والتطبيق فسنو مطق أن هذه الصفات الست qui sont collés عند التبليغ qu'on va citer ensemble, inshallah. Mohamed Ilyas, il a pris ces six fondements عند شيخه الصوفي. Ça nous montre أن هذه الطريقة, cette secte, ce groupe, c'est un groupe صوفي, n'est aucun doute في هذا. قال, فجعل هذه الأصول الست محورا لدعوته ومركزا لحركته ومبدأ لنشاطه ومرجعا لقائمته leur دين leur groupe il est fondé sur ces six fondements la غير on peut se poser une question أين أصول دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام les cinq piliers de l'islam les six piliers de la foi وهكذا الأصول العظيمة dans التوحيد dans العقيدة tout ce qui concerne l'ibadat ou le mu'amalat, les adorations, les comportements. Aïe, le Coran ou le Sunna, valihada, au sol, le mu'min, ses fondements, ses sources, c'est le Coran ou le Sunna. Thumma, le Coran ou le Sunna, ou le Alhamd, il y a des fondements clairs, comme les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi, il a akhri. Amma, le Qawm, khtara'u, ils ont inventé ces sous-sivats, et leur vie, que ce soit leur aqida ou leur ibadat ou leur comportement, tout est fondé sur ces sous-sifat. فلا يخرجون منها أبدا. مع أن ست صفات كما نرى أنصمل إن شاء الله فيها ما فيها من الإنحراف والجهل. قال رحمه الله: أي أنه كان قرر أن يجعل دعوته مقصور على هذه الأصول الستة، وقرر قرارا باتا أنه لا يدعو إلا إليها. Donc leur da'wa va se résumer à ces six sifat, ces six caractéristiques, ces six points, ces six fondements. قال أن لا يدعو إلا إليها أو أمثالها من الإجماعيات دون الخلافيات والأصول الستة كالآتي. كذلك هذا سان بوان امبورطون. اعلم أن parmi les fondements de جماعة التبليغ أنهم ils ne parlent jamais des choses où il y a khilaf. Et كذلك ils ne parlent jamais des choses qui pour eux ça peut faire fuir. حتى mettre en garde contre shirk, c'est un fondement de notre din. أنهم jamais tu les entendras mettre en garde contre le shirk. Même s'ils voient واحد ربما يعبد غير الله عز وجل devant eux, لا يتكلمون لماذا لأنهم pour eux ça fait fuir. Ils appellent combien. Mais le fait de repousser le mal ça peut diviser, donc ils se taisent. قال والأصول الستة كالآتي. Les six صفات أو les six نعم الصفات الستة أو les six fondements de جماعة التبليغ. Le premier c'est تحقيق الكلمة الطيبة. أي لا إله إلا الله. Le premier point concerne la shahada. Le deuxième point, الصلاة ذات الخشوع والخضوع. Le deuxième point concerne la salat. Le troisième point, العلم مع الذكر. La science et الذكر. Le rappel d'Allah عز وجل. Le quatrième point, إلزام أو إكرام المسلمين. إكرام المسلمين. أي le fait de faire du bien envers ton frère musulman. Le cinquième point, تصحيح النية وإخلاصها, à corriger son intention. Le sixième point, الخروج في سبيل الله, le fait de sortir في سبيل الله, de voyager pour faire da'wah, pour prêcher la bonne parole. انتهى كلامه بتصرف يسير. On a résumé et on a simplifié certaines kalimat. ونقل العلامة الشيخ تويجري رحمه الله تعالى عن الشرقاوي dans son livre القول البليغ أنه قال في بحثه عن الصفات الست: وهذه الصفات كل تبليغ انتظم مع الجماعة لابد أن يعرفها ويذكرها ويتذكرها ويتمرن على الخطابة بها. شاك تبليغي يدوى كونت هذه الصفات الست. La première chose qu'ils font quand واحد يرانتخ dans leur جماعة, quand il les suit, il lui apprenne هذه الصفات الست. Il doit les connaître par cœur, il doit apprendre à faire leur bayan, leur bid'a, quand واحد parmi eux se lève au masjid et prêche la bonne parole, كما يزعمون. فالست هذه الصفات الست. Premièrement, le kalima al-tayyiba, ثم il donne une brève explication, وهكذا, les six points. قال, ويدعو الناس إلى العمل بها ويعرفهم معانيها. فالس leur din. Leur din, il est fondé sur هذا, sur ces six piliers, ces six fondements. أما الصفة الأولى, le premier fondement parmi les six fondements de جماعة التبليغ, تحقيق الكلمة الطيبة. Et هنا ننبه أنه لا ينبغي أن المؤمن يغتر بمجرد الألفاظ, لأن en apparence وكثير من المسلمين اغتروا بهذه الجماعة. لماذا؟ لأنهم en apparence ils disent du bien. مثلا ces six piliers, ces six fondements, en apparence c'est du bien, التوحيد والصلاة والعلم وإكرام المسلمين. لكن pour connaître un groupe il ne faut pas regarder فقط اللفظ, لأن tout le monde prétend faire du bien. Il faut regarder حقيقة هذا اللفظ et qu'est-ce qu'il renferme et à quoi ils appellent vraiment. فلهذا هذه الجماعة au début, خاصة dans les années 90, il y a une trentaine d'années, ils avaient un achat kabir et beaucoup de gens ils les ont suivis. L'ilm il n'était pas encore propagé dans certains endroits, maintenant en Europe, etc. Et beaucoup de gens ils étaient ignorants ou agtarru bimitla hadhihi al-usul. Et ils ont pensé que haoula ils appelaient vraiment à la vérité. C'est pour ça que beaucoup, walillahi alhamd, ils les ont délaissés après avoir voyager avec eux, rester un moment avec eux, كثير من الناس, ils les ont délaissés. فاون غوبين على بروميير صفه تحقيق الكلمه الطيبه. فتحقيق لا اله الا الله عندهم اي لا لو سونس دو لا اله الا الله عندهم اخراج اليقين الفاسد من القلب وادخال اليقين الصحيح على ذات الله سبحانه وتعالى. انهم اخترعوا هذا التفسير, ils ont inventé cette explication. فهم في الحقيقه يفسرون هذه الشهاده العظيمه بتوحيد الربوبيه. إيه كما بين العلماء ان هذا سي با سوفيزون. فهم يقولون ان معنى لا اله الا الله ça veut dire quoi, لا اله الا الله quand on prononce cette kalima ça veut dire لا خالق الا الله, ça veut dire لا رازق الا الله, ça veut dire لا معبود الا الله. تامل. اما قولهم لا خالق الا الله ولا رازق الا الله فهذا لا شك انه صحيح ان الله سبحانه وتعالى هو السول كرياتور celui qui donne الى اخره, لكن اكسبيكي لا اله الا الله هذه المعاني من الجهل, لان كفار قريش ils ont reconnu هذا même s'ils ont eu des égarements dans توحيد الربوبيه, لكن بالجمله ils l'ont reconnu. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله, يقولون الله. إبليس كذلك il a reconnu هذا, خلقتني من نار. إبليس il a jamais prétendu que c'était le créateur, لا, لكن حرفوا في العبادة, ils ont pas voulu adorer الله سبحانه وتعالى أو lui ont donné des associés. فلهذا المعنى الصحيح c'est de montrer aux gens que هذه الشهادة ça implique d'adorer الله سبحانه وتعالى seul, et celui qui adore autre que الله سبحانه وتعالى c'est un mushrik même s'il prononce cette parole. أما قولهم لا معبود إلى الله فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ولقد ألف بعض أفراد جماعة التبليغ رسالة لما جاء يشرح كلمة لا إله إلى الله فسرها بقوله لا معبود إلا الله. الشيخ الألباني رحمه الله الآن فهم أن بعض التبليغيين ils ont écrit une رسالة et dans cette رسالة ils ont expliqué لا إله إلى الله avec cette explication لا معبود إلا الله. Si on traduit, et personne n'est adoré excepté Allah. قال الشيخ الألباني رحمه الله كيف لا معبود إلا الله والمعبودات كثيرة جدا. هذا سان تفسير خطير. وبعض الناس لا ينتبهون, ils voient pas la gravité. Si on dit personne n'est adoré autre que Allah, سبحانه وتعالى, c'est totalement faux. بعض الناس ils adorent des tombes, بعض الناس ils adorent عيسى, بعض الناس ils adorent des شياطين, بعض الناس ils adorent des animaux, إلى آخره. On doit dire لا معبود حق أو بحق إلا الله عز وجل. أما personne n'est adoré sauf Allah, أو plutôt لا معبود نعم لا معبود إلا الله, أي tout ce qui est adoré c'est Allah, أو personne n'est adoré sauf Allah, هذا c'est faux. Il y en a d'autres qui sont adorés من دون الله, des autres divinités بالباطل. On est obligé de préciser هنا. ومن من جهل هذه الجماعة أنهم ils ont expliqué الشهادة بهذه التفسيرات الباطلة. Et ce point كذلك on l'a détaillé والله الحمد dans كتب التوحيد. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن مشايخ التبليغيين الصوفية فالحقيقة هم quand ils expliquent لا إله إلا الله بهذا الكلام إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais sortir al-yaqin al-fasid, les mauvaises choses de ton cœur, et tu fais rentrer al-yaqin al-sahih, tu fais rentrer la véritable certitude dans ton cœur. Ça veut dire quoi, hada? Ba'd al-ulama, ils ont démontré que hada, en fait, c'est da'watun ila wahdati al-wujud. Et ça, c'est min aqa'id al-sufiyya, comme on a montré auparavant, walillahi alhamd. Annahum ya'taqidun anna Allah, il est partout. بل بعضهم يعتقد أن tout ce que tu vois, tu entends, c'est Allah سبحانه وتعالى. Il n'y a pas de différence entre les créateurs et la créature. فلهذا قال محمد زكريا الكندهلوي, c'est من شيوخهم, il fait partie de leur guide, dans son livre تبليغي نصاب, c'est une référence pour eux. إن الحق سبحانه منبع في الواقع لكل حسن وجمال. تأمل هذا الكلام. يقول إن الحق سبحانه أي الله سبحانه وتعالى c'est la source منبع في الواقع لكل حسن وجمال, de toutes les bonnes choses et de toutes les belles choses. قال والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه. فصرح هنا قال والحق أي en vérité tous tout ce que tu vois de beau أنه لا يوجد في الكون جمال أي toutes les choses qui sont belles dans cet univers c'est Allah c'est pas autre que lui. هذه دعوة صريحة إلى عقيدة وحدة الوجود. فتو تروغا التبليغيين même si بعضهم يكونسوا pas مثل هذا الكلام إما ils expliquent الشهادة على توحيد الربوبية فقط avec معنى توحيد الربوبية أي il n'y a pas de créateur sauf Allah et on a vu que هذا c'était pas suffisant. إما et هذا c'est واقع في رؤوسهم أي الصوفية parmi leurs guides أنهم leur but c'était de propager هذه العقيدة الباطلة في المسلمين حتى le fait de dire لا إله إلا الله et tout ce que tu vois c'est Allah عقيدة وحدة الوجود. وراجع pour celui qui veut détailler هذه المسألة كلام العلامة الشيخ النجمي رحمه الله تعالى dans son livre المورد العذب الزلال il a réfuté هذه الجماعة ce groupe égaré et il a traité ce point أي في التوحيد. وقال الشيخ حمود رحمه الله تعالى في القول البلية وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن التبليغيين قد تمسكوا بمجرد التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله مع تركهم التصريح بالكفر بالطاغوت. لماذا؟ لأنه ça fait partie de leur fondement أنهم c'est une kalima qui disent avec leur langue et qui propagent كذلك ça fait partie de leur fondement. Il faut dire la ilaha illallah, lakin ça s'arrête là. Amma, le fait de mettre en garde contre le shirk, si on dit la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ça implique qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et mécroire, détester ceux qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum la yatakallamun an hada abadan. Eux ne parlent pas de cette deuxième partie. قال الشيخ حمود ومنعهم أتبعهم من التصريح بالكفر به نعم أي بالطاغوت وجعلهم المنع من التصريح بالكفر به أصلا من أصولهم التي يدعو الناس إليها يدعون الناس إليها أي لفت هذا ça fait partie de leur fondement leur منهج leur voie c'est de ne surtout pas parler d'une chose qui peut diviser. فَلِهَذَا التَّبْلِغِيُونَ quand, مثلاً, ils arrivent pendant le khuruj dans un masjid de soufi, أَبَدًا ils mettront en garde contre bid'a soufiya. Il y en a eux-mêmes, ils suivent un soufiya. Quand ils rencontrent, مثلاً, des autres groupes égarés fil aqida, ils ne parlent pas. Même ils voient des awamin al-muslimin faire des mauvaises choses, ils ne parlent pas. Ils appellent qu'au bien. Et ça, c'est un naqs kabir. النبي صلى الله عليه وسلم il a montré le bien il a mis en garde contre le mal et c'est ça دعوة جميع الأنبياء لأن pour montrer le bien t'es obligé de mettre en garde contre le mal. فمثلا une personne elle accepte l'islam لكن il veut pas délaisser l'adoration d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que son islam il sera accepté أبدا لماذا لأن شهادة أن لا إله إلا الله pour qu'elle soit acceptée il faut accepter et croire que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul, et délaisser le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah, il ne pardonne pas le shirk. Wa man yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas rentrer au paradis al-mushrik. Celui qui meurt ala shirk al-akbar. Tu trouves, ha'oula al-juhal, leur da'wa, elle délaisse tout cela. Limadha li anna, c'est une da'wa fi sabil iblis. C'est pas une da'wa fi sabil illah. Et certains ignorants n'khada'u biha oula. Wa illa fa al-haq il est wadih wa lillahi l'hamd. Thumma qala ay Sheikh Hamoud dhakara dhalik Saif al-Rahman anna min usul al-tabliriyin ta'til jami' al-nusus al-warida fi al-kitab wa al-sunnah bi sadr al-kufr bi al-ta'ud wa bi sadr an-nahi an al-munkar ta'tilan batan. Wa hadha هذا الشيخ سيف الرحمن il connaissait très très bien cette jama'a il a écrit un livre pour les réfuter et هنا il a informé أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة tous les textes où il y a une mise en garde contre الشرك contre la mécréance et l'akhiré ils n'en parlent pas c'est pour ça que vous avez remarqué qu'ils appellent qu'à des choses où personne ne les contredit فَلِهَذَا اغْتَرَّ النَّاسِ بِهِمْ au départ لكن avec juhud, ahl al-ilm, et les mises en garde, فكثير من الناس ils les ont délaissés, ولله الحمد. قال الشيخ حمود رحمه الله وعلى هذا فإن تعلقهم بالكلمة الطيبة وجعلهم إياها أصلا من أصولهم الستة يكون مجرد دعوة لا حاصل لها. Le fait d'avoir cité comme fondement et le premier الكلمة الطيبة, ne crois pas que c'est التوحيد auquel les prophètes et les messagers ils ont appelé. التوحيد pour lequel أئمة التوحيد من الصحابة رضي الله عنهم jusqu'à aujourd'hui ils ont fait beaucoup de sacrifices. Là, هذا c'est autre chose qui est fondée sur la voie des soufis, عيادا بالله. كذلك أخي تأمل موقف رؤوس هذه الجماعة. Ça c'est très très important. فلهذا نبهنا, on a fait la remarque, أن لا نغتر بالكلام. Tous les égarés, là, ils prétendent appeler au bien, appeler à l'islam, appeler au Coran, appeler à se réformer, à se corriger. Lakin, en vrai, si tu veux connaître Al-Hal, commence par les fondateurs, par les guides. Haluhum. Qu'est-ce qu'ils font? Et très très vite, tu t'apercevras de la réalité du groupe. Enfin, maintenant, Mohamed Youssouf, c'est le successeur de son père. Après la mort de Mohamed Elias, c'est lui qui est devenu l'amir. Son fils Mohamed Youssouf, kana yaqul, il disait, kama fi kitab Jama'at al-Tabligh, aqidatuha wa afkaru mashayikhiha, qu'est-ce qu'il disait? Inna sahib had al-qabr, ay, shaykhana Mohamed Elias, ay, son père, yuwazzi' al-nour, alladhi yanzil min al-sama fi qabrihi, bayna muridih, hasabi quwwat al-irtibat wa al-ta'alluq bih. Il prétendait à son père qui était mort, qui était enterré. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait descendre de la lumière dans sa tombe et lui, il propageait cette lumière, هذا النور, ce bien, il le propageait. بين مريديه, il le partageait à ses suiveurs par rapport, chacun il recevait par rapport à l'irtibat wa ta'alluq bih, par rapport à le raccrochement à Mohamed Elias qui est mort. كيف التعلق, si on se pose la question, التعلق بالميت, comment ça se fait, le fait de revenir à un mort? Le mort, il est mort, il est enterré. عياذا بالله بالتوكل عليه, en plaçant sa confiance, en lui demandant, en espérant. هذا c'est très très grave. Tout cela c'est من الشرك بالله عز وجل. قال وكذلك كنا نجلس أيضا على قبر الشيخ عبد الرحيم رأي فوري في هيئة المراقبة. Et كذلك محمد يوسف informé أنهم ils restaient assis devant la tombe de ce شيخ من الصوفية على هذا الحال. على هذا الحال. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله dans son livre السراج المنير. كذلك c'est une référence, une رسالة qui est assez courte, très résumée, لكن فيها فوائد كثيرة. Il a répondu, il a montré les égarements de cette secte. قال هذا يسمى في اصطلاع غيرهم من أهل طرائق التصوف استمدادا ثم قال وهذا الشرك بالله واتخاذ وصائد بين العبد وبين ربه. هذا c'est le shirk. Le fait d'espérer, d'attendre, de rester devant cette tombe et de se mettre dans cet état de concentration, de recueillement, iyadan billah. Tout ça, c'est min al-shirk billah, subhanah. Hala, c'est le fils de Mohamed Elias, du fondateur. Et beaucoup d'autres égarements. Khassatan, on le répète, et il ne faut pas oublier, anna jama'at al-tabligh, il s'adapte. Il s'adapte par rapport aux endroits, mathalan. Fa, al-tablighiyoun, qui sont fil hind et au Pakistan, وبعضهم يفون دو الشرك بكل وضوح. بعضهم يعبدون القبور etc. Tu trouveras مثلا التبليغيون qui sont في السعودية en Arabie Saoudite, ils ne peuvent pas faire apparaître هذا. Enfin, ils ne le feront jamais. Et بعض الناس يغتروا. Ils ont rencontré un tablighi qui leur a dit certaines choses et ils pensent que tout le groupe il est comme cela. Là, نحن, on étudie le groupe. On étudie leur fondement. ثم celui qui les suit, خاصة après avoir su la vérité et ne les délaisse pas, il fait partie d'eux, il est ma'al jama'a. Le deuxième fondement, as-salatu dhat Al-Khushu' ou Al-Khudu'. Deuxième fondement concernant As-Salah. Aboulan, on fait la même remarque qu'on a citée auparavant, fi Al-Asli Al-Awwal, ay fi Tahqiq Al-Kalimati Al-Tayyiba. أن هذا مجرد كلام وإلا فعلم أن مركز هؤلاء الرئيسي كي سابل نظام الدين أي إلي في عاصمة الهند أي سي لوغ برانسيبال مركز لوغ برانسيبال سنتر مسجد إلي نيو ديلي لا كابيتال دو الهند فيه أربعة قبور إلي كاتر تومب dans ce masjid, dans leur marquise principale. Et c'est la référence fil khuruj. Alors, ils se rassemblent hunak ila akhir. Et celui qui a voyagé, qui est parti hunak, inda tablighiyin, il a un rang élevé. Enfin, ce marquise, il y a quatre tombes. La tombe de Mohamed Ilyas, kadalik la tombe de son fils, Mohamed Youssouf, et deux autres tombes. قال الشيخ حمود رحمه الله في القول البليغ وهذا شبيه بفعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم والصالحين مساجد وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع. Ça c'est une ressemblance aux juifs et aux chrétiens. Le Nabi صلى الله عليه وسلم a maudit les juifs et les chrétiens. لماذا؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم. Pourquoi؟ لأنهم ils ont fait des tombes de leurs prophètes et messagers des masajid. Ça nous montre annahu la yajtami' fi l'islam qabrun wa masjid, comme a dit ahl al-ilm dans notre din, les tombes et les masajid, les mosquées, ça peut pas se rassembler. Les mosquées, c'est fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, les cimetières, les tombes, c'est pour enterrer les morts, et ça se rassemble pas. Fa li hadha an-nabi sallam nahana 'an dhalik. Ha'ula al-an leur principal markaz ou qui a leur guide, il a akhir, c'est la référence, il y a quatre tombes. Enfin, qu'est-ce que tu attends de cette jama'a? Qu'est-ce que tu attends? Illa iyadun billah, il propage le shur wal jahl, l'ignorance et le mal. Thumma qala al-shaykh Hamoud rahimahullah, wa akhbara annahum min shirar al-khalq inda Allah. Na'am, kama fi al-sahihayn, an A'ishata radiyallahu anha. ونقل محمد أسلم أن محمد إلياس كان يجلس أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس أو عبد نعم كان هو عبد القدوس الكنكاوي الكنكوهي ويصلي بالجماعة هناك. Ils ont rapporté que Mohamed Elias, le fondateur, il passait du temps vers la tombe de ce cheikh et il faisait avec ses suiveurs salat al-jama'a, la salat en groupe vers cette tombe. Et ça, c'est très très grave. C'est très très grave pour celui qui a étudié Al-Tawhid, pour celui qui a étudié Al-Islam, en revenant au Coran et à la Sunna. Les sentiments, on va dire, maintenant, tu lui montres que Ha'oula, c'est des égarés, la première chose qu'il te dit, mais ils sont gentils, mais ils ont un bon comportement, mais regarde leur fondement, qu'est-ce qu'ils suivent. S'ils ont un bon comportement, Valimada, ils ne délaissent pas Hada al-Dalal al-Mubin, pourquoi ils ne délaissent pas ces égarements pour revenir et suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Fa salat 'inda al-qubur batila. Fa la taghtar bi hadhihi al-usul al-fashila. C'est des fondements, c'est que du mensonge, c'est tazwiq. C'est pour attirer les gens, ils ont embelli leur secte avec hadhihi al-shi'arat. C'est comme des slogans pour attirer. Wa illa fa salat 'inda al-qubur batila. Comme les savants walillahi al-hamd, ils ont montré en s'appuyant sur beaucoup de preuves. Amma hum ta'ammal, on revient à leur fondement, as-salat dhat al-khushu' wal-khudu'. Ay, la salat avec le recueillement, avec la concentration. Après avoir étudié les fondements de ce groupe et leur chef, al-an tu te poses la question, al-khushu', le recueillement pour qui? Pour les tombes? Kadalik, même si la salat elle fait recueillement, si c'est dans un masjid où il y a des tombes, elle n'est pas acceptée, l'insan, il n'a pas le droit. Zid ala dhalik, anna al-qawm muta'assibouna li madhhab al-ahnaf, kama taqaddam. Anna ha'oula, leur voix, c'est de suivre madhhab al-abi hanifa dans le fiqh. Même s'il y a des mukhalafat. C'est pour ça que tu trouves ha'oula, même leur salat, on ne rentre pas dans leur intention, c'est pas ce qu'il y a dans leur cœur, mais en apparence, la salat, il y a beaucoup de mukhalafat. Même si tu lui montres un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, matalan, il a ordonné de faire telle chose dans ce salat, ou il a conseillé, c'est mieux de lever les mains de telle façon, abadan, il écoutera illa celui qui est ignorant et qui aime vraiment la vérité, lakin, il s'est fait avoir par haoula. C'est pour ça qu'on ne doit pas désespérer. Et on doit leur montrer le haq. Il y en a barre de shabab, ils les ont suivis, ils ne connaissent pas. Il est sorti de la rue et il pensait vraiment que haoula, ils appelaient à la vérité. Enfin, si tu lui montres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait telle chose et telle chose, il acceptera. Amar ous leur guide. Haoula, yuharibouna al-haq wa ahl al-haq. Ils détestent la vérité et ceux qui la propagent. C'est pour ça que tu trouves dans leur salat, ils ont des bid'a kathira. Le troisième fondement, al-ilm wa al-dhikr. Voilà, tadon huna nas al-ilm al-shar'i. Abadan. العلم هنا pour eux c'est العلم بالفضائل أي une catégorie أي العلم qui est lié à الفضائل أي مثلا c'est bien de faire telle chose c'est bien de faire telle chose pas علم القرآن والسنة avec الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر en commençant par التوحيد العقيدة etc لا والذكر c'est le fait de faire du ذكر قال الأستاذ سيف الرحمن رحمه الله في كتابه نظرة عابرة اعتبارية حول جماعة التبليغ كذلك سين ريفيرنس فيها والشيخ حمود رحمه الله dans son livre القول البليغ c'est le livre qui est beaucoup propagé الان c'est la référence il a rapporté ces paroles et استفاد من هؤلاء il a profité de ces livres de هؤلاء خاصة ان هؤلاء كثير منهم vivaient en Inde بل ils étaient origine de هناك et ils connaissaient هذه الجماعة فايز Ils ont cité des témoignages authentiques. قال أن التبليغيين يهربون من العلم بالمسائل ولا سيما العلم بالأدلة. Une des choses que التبليغي déteste le plus, c'est quand tu lui dis قال الله قال الرسول et tu lui montres بعلم. فلهذا قال يهربون. Ils se sauvent. Ils n'aiment pas هذا. قال بل يحاربون العلم بالمسائل ويحاربون العلم بالأدلة من القرآن ومن السنة. فهم يدتستوا ce genre de علم. Aïe, l'aqida ou al-tawhid, faire telle chose, ne pas faire telle chose, comment faire salat, comment faire siyam, hum, là, ils veulent que ilm, al-fada'il. Se comporter avec son voisin, faire du zikr quand tu rentres au masjid, quand tu sors, hum, ça s'arrête à huna. Qala, wa yusammunahu jadalan wa shagaban wa khisaman. Hada al-ilm, qui est fondé sur le Qur'an et sur sunna, pour eux, c'est de la polémique. Pour eux, c'est de la perte de temps. ويقولون إن العلم كهذا يصرف الإنسان عن العمل. كذلك ils prétendent que هذا العلم, si tu passes ton temps à étudier, à apprendre, ça t'écartera de la mise en application. Enfin, pour eux, c'est quelque chose qui, c'est une perte de temps. قال ويسمونه كذلك القيل والقال المنهي عنه المبطئ عن العمل. وصدق الشيخ حماد رحمه الله الأنصاري قال إن هؤلاء الجماعة لا يريدون العلم ولا يطلبونه والله ils ne veulent pas l'ilm il y en a les efforts qu'ils font et les sacrifices pour voyager aller en Inde au Pakistan rester 4 mois rester 6 mois et l'akhiré ils le feraient pour l'ilm alhamdulillah ils auraient progressé dans leur din et ils auraient fait progresser les autres لكن لا يحبون العلم ils suivent الهوى c'est devenu une passion comme beaucoup de gens leur passion c'est le sport ou c'est ما أدري شكاً عيداً بالله بعضهم بدوريا ببعض بعض الأمور هؤلاء بتلو leur passion c'est devenu الخروج et c'est devenu l'ignorance ils se sont habitués à voyager à manger إلى آخره ils n'arrivent plus à comprendre ils refusent la vérité وهؤلاء كذلك يعتمدون على بعض الكتب ولا ينظرون في غيرها Ils ont pris certains livres comme référence et ils ne regardent pas autre part. Parmi ces livres, Kitab Riyad al-Salihin, l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Hadha al-Kitab, c'est un kitab jamil. Walillahi alhamd, on a des doros ensemble dans l'explication de Hadha al-Kitab avec Sharh Shir ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Fihi fawaid kathira. C'est min anfas al-kutub. Lakin, awwalan haoula, يركزون ويقرؤون أبواب الفضائل. Ils lisent pas tout le kitab. دائما, ils lisent les mêmes chapitres. Sur comment manger, les bienfaits du les mérites de Kada, ou comment se comporter avec les voisins. Moi, ils ont choisi certains chapitres, ils les répètent دائما. هذا أولا. ثانيا, يفسرون هذا الكتاب بالجهل والهوى. Ils expliquent ils interprètent l'ahadith qui sont cités dans Riyad Salihin avec l'ignorance et le hawa. Et wallahi, t'estahi de citer certaines de leurs paroles. Tu ne peux pas citer certaines de leurs paroles tellement qu'ils se sont égarés et ils se sont écartés de la vérité. Le deuxième livre, Hayat al-Sahab, est la vie des compagnons, radiyallahu anhum, les Mohamed Yusuf ibn Mohamed Elias, est le fils du fondateur, Mohamed Yusuf, قال الشيخ حمود رحمه الله وهو مملو بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. هكذا أئمة السنة. الشيخ حمود رحمه الله مجاهد من المجاهدين à cette époque. Il a réfuté beaucoup d'égarés et beaucoup de sectes, ولله الحمد. فقال عن هذا الكتاب, c'est un livre qui comporte ماذا? Des خرافات, des histoires fantastiques, des rêves, كذلك des أحاديث موضوعة, ahadith dha'ifa, des ahadith, c'est des mensonges. Et même s'il y a certaines choses sahiha, avec tout le mal qu'il y a, ça reste un livre d'égaré, ayyadun billah. Et un livre qui peut pousser à l'égarement. Et كذلك لا نغتر بمن زكى هذا الكتاب. Celui qui parle en bien de ce kitab, imma il connaît pas le livre, imma il fait partie de ha'oula. Wa illa al-haqq al-wadih, c'est que c'est un livre qui propage, ayyadun billah, l'égarement. Le troisième livre, Kitab Tabligh Nisab, les Mohamed Zakaria, Al-Khan Dahlawi, il fait partie kadalik de leur mashayikh. Et ce livre, ils ont changé le titre, akhiran, ils l'ont appelé Fada'il al-A'mal. Et ça, c'est min makrihim. La'alla, بعض الناس, ils ont compris que ce mouvement, At-Tabligh, fihi ma viva, ils ont changé le titre, Fada'il al-A'mal. قال الشيخ حمود رحمه الله وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير. كذلك ce livre, il est rempli d'innovations, d'histoires infondées, des rêves, des hadiths faibles, etc. وأصلا القوم ما هم حول العلم أبدا. اعتمادهم الأساسي c'est الرؤى والقصص المكذوبة. Ça, c'est leur référence. Les histoires fantastiques. Et كذلك, les rêves. وراجع كتاب القول البليغ للشيخ حمود رحمه الله, il a cité des قصص عجيبة. On ne peut pas en citer par manque de temps. Et كذلك, ce qui nous intéresse أكثر هنا, c'est de réfuter leur fondement. وإلا, les histoires qu'ils racontent في الدعوة, فتستحي. والله, tu as honte de les rapporter. لماذا؟ لأن سموت سخافة عقولهم وجهلهم بدين الله عز وجل. Là, on peut citer une histoire qui montre la gravité de l'ignorance. Et ça les a poussés à quoi? Cheikh Hamoud, رحمه الله تعالى, ذكر قصة dans القول البليغ نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن الدهلوي. نعم, qui est origine d'Inde et qui connaît très très bien ce groupe dans son livre Nadratun Abira qu'on a déjà cité, c'est une référence. قال وإن من غريب مضار الجهل ما حدث بالهند وباكستان. Ce qui s'est passé en Inde au Pakistan à cause de l'ignorance de هؤلاء, حيث رأوا في المنام أنهم ذبحوا أو يذبحون بعض أولادهم. Ils ont vu en rêve, certains d'entre eux, أنهم ils égorgeaient leurs garçons, leurs enfants. Ru'ya, shaytani. Shaytan, il leur a fait croire hein, dans leur rêve. Anahum yadbahoun, anahum, ils sacrifient leurs enfants, leurs garçons. Qala dhannu anna hadha ilhaman wa amran wa ibtila'an lahum min Allah. Ils ont pensé que c'était comme ce qui était arrivé à Ismaïl alayhi salatu wassalam. Plutôt à Ibrahim. Quand il a vu qu'il devait sacrifier son fils Ismaïl, alayhim as-salatu wassalam. Et c'était une épreuve pour Ibrahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala farraja anhum. Et Ibrahim, il a pas sacrifié son fils. Et là, l'histoire, elle est connue. Haoula, ils ont pensé qu'ils étaient éprouvés. Et ils devaient faire cette chose. Qala faqamu. Wa anjazu ma umiru bihi fi za'mihim. فذبحوا أبناءهم من أصلابهم كما يذبح الكبش مطرحا وهو ينظر. Quand ils se sont réveillés le matin, ils ont pensé que c'était une épreuve pour eux et ils ont mis en application. Ayyadun billah. Ils ont égorgé leurs garçons. Ah là, ça s'est passé en Inde et au Pakistan. C'est quoi la cause de hada? Al-jahl. Ils ont pensé que ce rêve, c'était une source pour mettre en application une chose. Et hada, c'est min a'zam al-dalal. Le musulman, il ne se passe pas sur les rêves pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, le rêve, si c'est une bonne chose, ça peut être min al-mubashirat. Ça peut être une bonne annonce pour toi. Tu avais un rêve, une bonne chose, alhamdoulilah. Si c'est une mauvaise chose, ne le raconte pas. C'est un cauchemar, min al-shaytan. Et ça s'arrête là. Et adore Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le Coran. Ils ont été injustes envers eux-mêmes et ils ont été injustes envers ses enfants et rendront des comptes يوم القيامة. أما مخالفتهم في الأذكار. On est toujours dans le troisième point, العلم, et on a détaillé قليلا par rapport à la science. Et كذلك الذكر. Et les ulama, ils ont cité أن هؤلاء suivent الصوفية في هذا الباب. Ils ont des أذكار محدثة. Ils font des invocations en groupe, ils doivent dire 1000 fois telle chose, 300 fois telle chose. Il n'y a aucune source, c'est des bid'ah et c'est de l'égarement. Celui qui veut al-mazid min hada, il lit le chapitre consacré à dhikr dans le qawl al-balir de Sheikh Hamoud, rahimahullah. As-sifatu al-rabi'a, ikramu al-muslimin. Le fait d'être généreux, d'être bon envers les muslimines. Qal al-Sheikh Hamoud, rahimahullah, fil qawl al-balir, نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن أنه قال ومما يعرف عن هؤلاء أنهم يتواضعون ويتظاهرون بالتواضع فوق العادة. Ce qui est connu عن التبليغ أنهم ils ont un تواضع أي ils font apparaître de la modestie فوق العادة أنهم ils se forcent. قال ولكن تواضعهم هذا ليس إلا تصنعا. حتى في هذا كثير منهم c'est des menteurs. ربما يدتس الإنسان إلى آخره يفو أبغط هذا التواضع. قال فإنهم يسرون لهم ومعهم فقط ويرون السيادة الدينية لهم. أما هم يزوين عقيدة أن لا غيرتال avec leur مشايخ. Et celui qui ne les suit pas, c'est un égaré. هذا معتقدهم. أما هذا التواضع cette fausse modestie فلا تغتر بها. قال وهذا الشيء قد تأصل في قرارة أنفسهم ولذا يبتعدون ويبعدون الناس عن كل مصلح ومخلص. C'est pour ça que يحاربون أهل الحق. Tu trouves un tablighi, ربما il a quelques semaines معهم, quand il voit un frère de la sunna qui veut lui montrer la vérité, bah directement il s'écarte et il mettra en garde. أين التواضع؟ أين إكرام المسلم؟ Tu veux du bien pour ton frère musulman et tu es modeste, écoute et accepte هذا الحق. Ça nous montre un هذا الإكرام, c'est entre eux. Si t'es avec eux, نعم. Si t'es contre eux, أبدا. وذكر الشيخ حمود رحمه الله dans son livre القول البليغ قصة عجيبة في هذا. أنهم ils ont frappé un frère. L'histoire elle est connue, قصة فاروق حنيف. أنه quand il a refusé de les suivre, أنه il les a rencontrés dans un masjid. Il devait rencontrer certains frères qui venaient du Khourouj, qu'ils connaissaient. Ils étaient sortis au Danemark. Et quand ils sont revenus, il les a attendus au masjid, ils ont parlé, ils ont mangé. Quand ils lui ont proposé le Khourouj, et qu'est-ce qu'ils pensent du Khourouj, et quand il leur a montré qu'ils n'étaient pas d'accord, ils l'ont blessé. Aïna al-ikram wa al-tawadu'a. Ça, c'est une image qui est complètement fausse que Bardonnès, ils ont. Anna, Tabliriyin, ils ont un bon comportement, ils sont doux. Là, c'est par rapport au patient. Celui qui est doux, il est doux avec le Jamia. Celui qui est bon, il est bon pas qu'avec ceux qui suivent sa secte, Iyadam Billah. Aslan, le musulman, il suit pas une secte. Il suit Al-Haq. Et il veut le bien pour les autres. La yu'min wahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. On veut le bien pour Ha'oula. C'est pour ça que, walillahi alhamd, Ahl al-Sunnah, ils ne les frappent pas. Là, abadan, ils leur montrent le haq, et eux, ils le refusent. Au kathir minhum. Wa qala al-Sheikh al-Allama Muhammad Taqiyyuddin al-Hilali, rahimahullah, fi al-Siraj al-Munir, qawluhum ikram al-Muslimin sahiha law annahum yutabbiqunaha. Et ça, c'est valable pour toutes les sifat. C'est un kalam jamil. le fait de dire ikram le muslimin, être bon envers les croyants, hada c'est tayyib. Lakin kama qal law annahum yutabbiqunaha. C'est seulement ils mettent en application. Qal walakin la yutabbiqunaha illa ma'a man yaf'al bid'atuhum wa hiya as-siyaha wa man tanazzaha 'anha min al-muslimin yubghidunahu ashadd al-bughd. Hum, ils appliquent hada al-ikram entre eux. Si tu acceptes le khuruj, c'est pour ça que si tu acceptes le khuruj, même si tu es mauvais, même si tu es un égaré, même si tu les contredis dans beaucoup de choses, si tu acceptes le khuruj et tu sors avec eux, ils t'accepteront. Wa yukrimunak. Si tu refuses, فولو تمن أصلح الناس وأعلم الناس. Même si tu as du ilm, même si tu appliques sunna ila akhri, tu fais des efforts que eux ne font pas, ils te rejetteront et ils te détesteront. فلهذا جماعة التبليغ c'est un حزب, c'est sectaire, c'est contre la vérité. الصفة الخامسة, l'avant-dernière صفة, تصحيح النية وإخلاصها. وهذا كذلك سأمر مهم لو حققوه s'ils auraient mis en application هذا فإصلاح النية. Comment on fait pour réformer notre نية? بالعناية بالعقيدة الصحيحة, كذلك بالطلب بالعلم. هكذا, si tu veux corriger ta نية, tu dois faire des efforts dans la science, apprendre ta عقيدة, apprendre ta وحيد, faire des efforts في العبادة, etc. هؤلاء يحاربون العقيدة, ils mettent en garde contre العقيدة الصحيحة. يحاربون العلم, ils mettent en garde contre العلم et contre أهل العلم, ils acceptent pas la science. فكيف إصلاح النية؟ النية هم c'est par rapport à la جماعة, par rapport à leur جماعة فقط, pas par rapport à la vérité. وكذلك تقدم معنا أن قصد كثير من هؤلاء c'était عياذا بالله التقرب إلى القبور. Et on a cité des histoires de leurs mashayikh, leurs guides et tout ce qu'ils font auprès des tombes et l'exagération qu'ils ont envers les tombes. Enfin, est-ce que هذا c'est من إصلاح النية؟ هذا c'est من أشد ما يفسد النية. La chose la plus grave qui fait du mal à l'intention, c'est l'exagération envers les tombes et الشرك بالله عز وجل. كذلك إصلاح النية لا يكفي. Le fait de réformer son intention, ça suffit pas. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا بالنية الخالصة لله عز وجل, إنما الأعمال بالنية. Et كذلك suivre النبي عليه الصلاة والسلام. فأين متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام, le fait de suivre السنة, de suivre ses compagnons, أين هذا؟ هذا الأصل إلى واضح. Le sixième et le dernier, الخروج في سبيل الله. قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في السراج المنير, إن السياحة هي الركن الأساسي عند التبليغيين. Ce fondement, le dernier, c'est la base de leur secte, de leur groupe. الركن الأساسي, c'est le fondement principal. C'est pour ça que même si واحد fait du shirk بالله عز وجل, comme c'est le cas de certains soufis qui sont avec eux, et c'est le cas كذلك dans leur marquez, on a des tombes qui sont au milieu du marquez principal à New Delhi, la capitale de l'Inde, tant que tu fais le khuruj, t'es leur frère. قال الشيخ رحمه الله فمن قبلها السياحة, c'est le fait de voyager. مثلا parmi les traductions du tourisme en arabe, السياحة. فهم c'est un voyage qu'ils font. قال فمن قبلها واشتغل بها احبوه واكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره. Celui qui accepte هذا الخروج, ils le rapprocheront, ils l'aimeront, ils seront bons avec lui, le pardonneront ses fautes, etc. قال ومن خالفهم فيها لم يقبلوا منه شيئا. Celui qui refuse هذا الخروج, il n'accepte rien de lui. Même si t'es un musulman, صالح, un croyant, ils n'accepteront pas de toi. قال وان كان مؤديا لجميع الواجبات الى اخره. فهذا الخروج أولا إلى محدث, فأصبح عندهم في الحقيقة c'est devenu une chose qu'ils aiment par passion. فلهذا قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما في فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق, الواقع أنهم مبتدعة محرفون إلى آخره كما تقدم. وقال وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس. الخروج il est pas في سبيل الله, même si certains ignorants parmi eux qui connaissent pas véritablement ce groupe et les suivent avec ignorance et ils sont sincères, enfin, هؤلاء هؤلاء on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Et هؤلاء en général ils acceptent la da'wa quand elle leur parle bien. لكن المتعصب منهم والرؤوس الخروج إلى في سبيل إلياس. Tout ce qu'ils font c'est par rapport à la secte, c'est par rapport au fondateur. قال ولكنه في سبيل إلياس انتهى. هذا الخروج كذلك il est محدث بهذه الكيفية. أي la façon qu'ils font ce خروج. Le fait de sortir fi sabilillah, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, al-khuruj fi sabilillah, laysa huwa al-khuruj alladhi ya'nunahu al-an. Al-khuruj fi sabilillah huwa al-khuruj lil-ghazw. C'est pour ça que ha'oula al-juhal, ils ont compris des versets qu'il y a dans le Coran al-Karim fi al-khuruj, ay al-khuruj fi sabilillah, ay pour al-jihad, pour combattre au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr si les conditions elles sont remplies, etc. Ils ont compris de tous ces versets al-khuruj qu'ils font eux, toutes les innovations qu'ils font quand ils font al-khuruj. قال رحيه حفظه الله تعالى أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف. خاصة أن هذا الخروج قيدوه. انتهى كلام شيخ الفوزان. أما هذا الخروج كيف هم قيدوه. أي ils l'ont précisé dans le temps, dans certains endroits. D'une certaine façon qu'ils font, là, chaque semaine, c'est bid'a. Matalan, sortir 3 jours, ou sortir 40 jours. Fahada min ay. Si ad-da'wa, il y a besoin de plus de 3 jours, l'imad a limité à 3 jours. S'il y a besoin moins de 3 jours, l'imad a limité à 3 jours. Ça, c'est min al-bid'a. Kadalik, anna, dans le khuruj, yumakkinuna lil-juhal. Annahum, ils laissent parler des ignorants. Ou ils emmènent des ignorants avec eux pour faire le khuruj. Wallahi anna ba'dahum. Ils étaient dans la rue. Et ils faisaient des ma'asi, min sharb khumour, ils buvaient de l'alcool, il a akhri, moum, beaucoup de choses. Ils sont rentrés avec eux. Et quand ils sont rentrés, c'était des ignorants, mais sakin. Ça reste des croyants, lakin, c'est des ignorants. Ils les ont emmenés avec eux al khuruj au bout de 2-3 jours. Thumma, cet homme qui ne connaît rien à son din, al-miskin, et qui veut le bien. لماذا لأن هؤلاء sont ignorants لكن يقدمونهم ils les poussent à faire da'wa et à se lever au masjid et à montrer ربما à des personnes ça fait 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans qu'ils vont au masjid هل هذا c'est من الحكمة أبدا لكن ça montre quoi هذا ça montre que si t'es avec eux ils vont vite t'élever t'es contre eux tu n'auras pas beaucoup de بل tu n'auras aucun poids عندهم. قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله il a montré certaines mafasid de هذا الخروج et les méfaits de ce خروج le fait de sortir 3 jours 40 jours dans telle ville dans tel pays قال اولا تضيع العيال والوالدين والازواج واهدار حقوقهم ça c'est même mafasid هذا الخروج بعضهم ils sortent 6 mois ils vont en Inde ils vont en Pakistan ils laissent femmes enfants parents qui ont certains besoins et ils les laissent au nom du tawakkul ala Allah. Et ils leur font beaucoup de mal. Faliyada, les épouses de Ha'oula, les enfants de Ha'oula, les parents de Ha'oula, kathir minhum, ils se plaignent. Et c'est très difficile pour eux, les mal, à cause de l'ignorance de Ha'oula. Kadalik, est-ce que tu as fait da'wa à tes parents? Est-ce que tu as montré à ton épouse? Est-ce que tu as montré à tes enfants, à tes voisins, à ta famille? Tous ceux-là, ils ont accepté à da'wa pour que tu te déplaces jusqu'en Inde ou au Pakistan ou au Madrid. Ça, c'est min al-dhalal al-mubin. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par da'wa à Mecca. Thumma, quand il a fait l'hijra al-Madina, al-Madina, thumma, petit à petit, hatta da'wa s'est propagé. Kadhalik, leur da'wa, c'est pas un da'wa ila tawhid, comme un taqaddam, là. C'est un da'wa pour les suivre eux. Si tu les suis, t'es bien. Si tu les suis pas, t'es mauvais. Kadhalik, Cheikh Taqiddin, il a cité من الأضرار تعطيل تجارة التجار وبعضهم peut-être qu'il a un commerce peut-être qu'il travaille il délaisse tout ça pour faire هذا الخروج هذا c'est pas من الحكمة أبدا أبدا ils auraient fait ces sacrifices pour العلم الحمد لله ils auraient délaissé ces choses et bien sûr même pour العلم t'as pas le droit de délaisser tes parents ou enfants s'ils ont besoin de toi أبدا لكن مثلا comme le travail il a appris il aurait délaissé لله pour apprendre Enfin, ça aurait été une bonne chose, lakin, al-qawm, ils suivent al-hawa. Kadalik, dans le khuruj, ils ont des bida'a. Ajib. Min bida'ihim, anna, quand ils font le khuruj, Maintenant, ils sortent un groupe de 10. Ils laissent toujours au masjid. Il y en a quand ils arrivent dans une ville, ils ont comme base le masjid. Ils dorment dans le masjid, ils mangent dans le masjid, ils posent leurs affaires. Enfin, ils se rassemblent. Et ils font ce qu'ils appellent al-mushawara. Et ils décident qui c'est qui va faire le khourouj. Maintenant, dans tel quartier, dans telle rue. Et ils choisissent maintenant 8. 8 parmi eux. Et ils laissent 2 ou 3 dans le masjid. Les 2 ou 3 dans le masjid, ils doivent faire du dhikr sans s'arrêter. C'est comparable à un moteur. C'est comparable à un moteur qui est source d'énergie et qui va leur donner à eux cette énergie. C'est pour ça que si ça se passe mal, en général, ils disent ça, c'est les frères qui faisaient du dhikr qui sont restés au masjid. Ils se sont arrêtés. Ils n'étaient pas sincères. Il a tout ça, c'est min al-bid'a. Tu fais da'wa, c'est l'illah. Azza wa Jalla, celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà mis en place ces choses? Fa na'oudou billah min al-jahl. Fa al-haqiqa al-khuruj, le détailler, montrer les méfaits, il a akhiré, ça demanderait une kalima. Lakin, ce qu'on a cité, on a bi'tisar, incha'Allah ta'ala, yakoun kafiyan. On termine avec al-shubah wa al-rab alayha. Ils ont certaines shubah. Ceux qui défendent cette jama'a, jama'at al-tabligh, parmi les choubah, ils disent que cette jama'a, قد نفع الله بهم. فكم من الناس أسلموا. Combien de gens ils ont accepté la vérité et ils sont rentrés dans l'islam et ils sont revenus au masjid, ils ont délaissé certains péchés. Et la cause, c'était ce groupe. La réponse, c'est أن الغاية لا تبرر الوسيلة عند أهل الإيمان. On est des croyants, on n'a pas comme principe la fin justifie les moyens. أبدا. Même si certains, ils sont rentrés vers l'islam, ou ils sont revenus au masjid, ça c'est bifadlillahi azza wa jal. Amma ha'oula, ça reste des mubtadi'a. Hada awalan. Thaniyan, Cheikh l'islam, le Taymiyya, rahimahullah, il a un kalam jamil fi hada. Raddan ala man za'ama anna al-rifa'iyya al-dullal. C'est un groupe à son époque. Ils étaient à la cause d'avoir guidé les gens. Exactement la même shubha qu'on entend aujourd'hui. Faqala rahimahullah, haluhum qabla tatwibikum. خير من حالهم بعد تتويبكم أي le hal de هؤلاء العصاة qui ont suivi الرفاعية à l'époque de Cheikh l'Islam. Et à notre époque, tu trouves maintenant certains musulmans, c'est des croyants, c'est des musulmans, lakin ils font certains péchés, certains jeunes maintenant, ils boivent, ils sortent, ils aakhirent. L'imam al-Taymiyyah rahimahullah, il a montré le hal al-fasiq, ce croyant qui est un fasiq qui fait ses péchés, sa situation elle est meilleure que أي الميور avant qu'il suit un groupe égaré. كيف هذا؟ قال رحمه الله فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله فجعلتهم بتتويبكم ضالين مشركين. صحيح أن البعض c'était des فساق لكن ils reconnaissaient que telle chose c'est haram. Ils donnaient de l'importance مثلا aux frères qui suivent la sunna, ils respectaient. Il a agréé quand ils rentrent avec un groupe égaré, khalas. Rumpama, ils combattent la vérité, Rumpama, ils détestent ceux qui propagent la vérité. Pourquoi? Les anna al-bid'a, c'est plus grave que le ma'siyah. L'innovation, c'est plus grave que le péché. Qala Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa nuthbit anna hadhihi al-bid'a allati hum alayha sharrun min al-ma'asi. Il a conclu anna cette bid'a qu'ils ont fini par suivre, c'est plus grave que les péchés qu'ils ont délaissés. Enfin, c'est pas la solution. فكم من الناس c'était des croyants et ils avaient des manquements, des faiblesses, mais ils avaient du bien. Ils sont rentrés avec Jama'at Tablir, c'est devenu des ennemis de la Sunna et de ceux qui suivent la Sunna. هذه الشبهة مرفوضة, elle est rejetée, elle est pas acceptable. La deuxième شبهة, أن بعض أهل العلم والفضل زكوا جماعات التبليغ. أن certains savants, ils ont parlé en bien de Jama'at Tablir. Il cite comme exemple Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Amma Cheikh Ibn Baz et Kadalik son Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, ils sont revenus. Ils ont délaissé leurs premières paroles. Au départ, ils ont parlé en bien d'eux. L'imada, il ne faut pas oublier, à leur époque, ce groupe, il venait d'apparaître. Khas, Satan en Arabie Saoudite. Il commençait à se propager dans les pays musulmans. Et au nom de faire da'wah, enfin, certains savants, ils ont dit, alhamdoulilah, s'ils font da'wah, enfin, c'est des gens de bien. Lakin lamma tabayyana lahum anna c'est un groupe qui est fondé sur as-soufiyya, at-tasawwuf wa al-bid'a wa al-khurafat wa al-shirk, فهؤلاء الشيخ بن باز رحمه الله وقبل الشيخ محمد بن إبراهيم يفزي بارتي دو أئمة التوحيد à notre époque. فردوا عليهم. الشيخ بن باز رحمه الله il a montré أن جماعة التبليغ يفزي بارتي دي 72 groupes égarés. أما الشيخ بن عثيمين رحمه الله on peut citer sa parole, قال عنهم والله أنا رأيي يا أخي أن جماعة التبليغ ناس طيبين والناس لطيفين. الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال أن جماعة التبليغ c'est des personnes qui sont bonnes, qui sont, ils ont de la douceur. ثم قال لكن بس منهجهم ما هو طيب لأنهم هم ما يحرصون على العلم. الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله il a démontré أن leur منهج n'est pas bon. لماذا؟ لأنهم ils veulent pas apprendre. فالشيخ بن عثيمين رحمه الله هنا فرق entre les personnes et le منهج. Donc pourquoi dire que الشيخ بن عثيمين يزكيهم؟ Au départ, نعم, il les a zakis, ثم كذلك, il est revenu, et même son قول, رحمه الله, أنهم c'est des personnes douces, إلى آخره, تقدم معنا, أنهم, ils font apparaître هذا. فلهذا, الشيخ, رحمه الله, il a vu, une certaine douceur, du calme, de la sérénité, إلى آخره, لكن d'autres, ils ont vu l'inverse, comme on a expliqué. قال, ثم السائل, قال, الذي ينكر عليهم, أي celui qui met en garde contre eux, قال الشيخ أبدا الذي ينكر عليهم إن شاء الله على الصواب. celui qui montre, qui les refute, qui montre leurs égarements, il a raison. نعم. ولو قدر أن un شيخ, un savant, il a parlé en bien d'eux, parce ceux qui ont montré leurs égarements avec الدليل, on doit revenir à الحجة. مثلا بعضهم يبروباج قول أبي بكر الجزائري رحمه الله أنهم كما قال أنهم خير أهل الأرض. هذا صان كلامي لمرفوض. والشيخ نجمي رحمة الله عليه رد عليه بكلام قوي. كذلك واقع الجماعة شاهد أنهم منحرفون ضالون. tout ce qu'on vient de citer الآن du fondateur jusqu'au suiveur, qu'est-ce qu'on en fait؟ نعم. فقول القائل il est accepté si c'est الحق. أما من زكاهم كائنا من كان سي لا رياليتي سي لانفيرس فون اكسبت با سون قول. فالحق إلي واضح والتمسك به واجب اي التقليد سي حرام. هذا ما يتعلق بهذه الجماعه كي تي فوندي سور الخرافه اي كي بروباج الجهل اي كذلك ايزون دو تعصب ايزون ان تري موفي كومبورتمون كونت اون لور مونتر لورز ايغارمون. On doit mettre en garde contre ce groupe. Et on rappelle, walillahi alhamd, à notre époque, hadihi al-jama'a, elle n'a plus beaucoup d'impact. Dans certains endroits, wa illa fa da'watuhum matat walillahi alhamd. Leur da'wa, elle a disparu dans beaucoup d'endroits. Ils avaient un achat kabir, on répète au début des années 90 jusqu'aux années 2000. Thumma walillahi alhamd, à notre époque, ils ont plus beaucoup d'impact kama taqaddam, lakin, on a détaillé qalilan les fondements de ce groupe, les Mahada, pour compléter bien sûr notre série sur les sectes en islam. Et kadalik, ils ont encore certains masajid, ils font encore le khourouj dans certains endroits, et certains croyants, ils pensent encore que haoula, ils sont à la haq. Fal wajib, c'est de montrer leurs égarements. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Et demain, al-itnain, il n'y a pas cours, on reprend nos durous à partir de mardi, la même heure. L'explication de Taqrib al-Tadmouriya de Cheikh Ibn Uthaymeen et كذلك l'explication de Riyad al-Salihin toujours de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.